Ok, alors pour commencer, je vous propose de vous présenter chacun votre tour. Alors moi j'ai déjà fait, je recommence vite fait pour ceux qui viennent d'arriver. Je suis Alain Régnier, CTO de Kubo Labs. On est spécialisé dans Kubernetes depuis plus de 8 ans maintenant, notamment la détection et la résolution de problèmes sur vos clusters. Benjamin Gandon, je suis responsable des formations chez Enix. Et Enix, c'est pas une boîte qui fait que des formations Docker Kubernetes, c'est une boîte qui fait des services managés. On manage des clusters Kubernetes pour les entreprises, beaucoup de startups et puis des clients de plus en plus gros. On a une petite équipe parisienne d'experts qu'on a sous la main sous Slack. C'est une interaction avec le client qui est d'une proximité phénoménale parce qu'il n'y a pas de ticket chez nous. S'il y a un problème, on fait un Slack. Et on a tout de suite l'expert qui est là et qui répond. Voilà, c'est juste une expérience incomparable pour les clients. Et bon, on a une petite boîte, puis on a une petite place symbolique dans la communauté Kubernetes. Alors voilà, on pourra en reparler après. Et voilà, et je passe la main. Et donc Guillaume Letron. Alors moi, je fais du Kubernetes depuis 2015. Ça fait pas mal de temps et j'ai un podcast sur Kubernetes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode. Donc là justement, c'était un peu le but. Vous êtes en train de participer à l'enregistrement d'un podcast qu'on va pouvoir mettre pour pouvoir justement parler de la KubeCon. Et au sein de la KubeCon, on a pu organiser un peu des événements pour regrouper la communauté francophone et on s'est retrouvé à la fin à être à peu près une centaine à la KubeCon. Donc c'était plutôt cool et on va pouvoir justement en parler. Alors pour commencer, moi je voudrais vous poser une question. Moi j'ai un peu répondu pour moi déjà, mais qu'est-ce que vous avez pensé des keynotes? Eh ben, beaucoup d'AI, beaucoup d'intelligence artificielle, très clairement. Et moi, quand j'écoutais là, alors déjà, première impression, j'arrive, la taille de la salle, le gigantisme et le nombre d'écrans là, je me dis, oh, j'ai pris une baffe. Et ensuite, ouais, la présence de l'AI. Et je pensais à ta rétro de Google Next à l'automne. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, en 2024. Si tu cours pas, si tu fais pas la course à l'échalote pour placer un bouton et intelligence artificielle sur ton produit, personne ne s'y intéresse. Et en gros, voilà, tout le monde court après le truc pour rester visible. Il faut de l'intelligence artificielle. Mais je pense que, enfin, les gens ont vraiment peur de mourir. Enfin, c'est soit tu restes visible, soit tu meurs. Enfin, tu vois, c'est un peu, voilà. Bon, bref. Donc, du coup, une exposition de l'intelligence artificielle dans les keynotes. Comme tu disais, exactement ce que tu disais juste avant, un peu surexposé, quoi. Bon, apparemment, ça va forquer. Il y a des prévisions de faire des conférences intelligence artificielle à part. Bon, voilà. Et puis sinon, bah, beaucoup de vendors. Chez Enix, en fait, on avait organisé les Kubernetes Community Days l'année dernière, en 2023. Donc, on est assez ouvert sur la communauté de l'open source. Nous, on manage énormément d'open source, du coup, parce que c'est ce que nos ingénieurs, ils aiment bien gérer. Et puis ça sauve beaucoup de frais de licence pour les clients. Et donc bon, les trucs de marque de vendor, ça, typiquement notre réaction c'est ouais, ça va quoi. Voilà. Ouais, moi j'avais l'habitude de dire, alors j'ai un avis sur les conférences qui est toujours un peu particulier, c'est je ne vais pas dans les talks. Je trouve ça, enfin en fait j'y vais pas pour ça. J'y vais pour rejoindre les gens, j'y vais pour plein de choses, mais j'avais l'habitude de dire que par contre, à la KubeCon, les keynotes, c'est un endroit où aller. J'avais fait Barcelone, j'avais fait Valence. Et pour le coup, alors, la taille de la salle était petite, je trouve, par rapport à Valence et Barcelone. Et surtout pas bien organisée. À Valence, on était plus proche parce qu'elle était en horizontale, alors qu'elle était très en profondeur. Les gens tout au fond voyaient rien. Alors que voilà. Et c'était un peu plus ça. Il y avait les écrans géants. Voilà, il y avait les écrans géants quand même, mais voilà. Et là, pour le coup, ouais, IA, j'ai largement tweeté au moment où c'est arrivé. Ouais, IA, IA, IA, on a bouffé de l'IA. Alors après, pour être allé aussi au CloudFest juste avant, j'ai fait Rejects CloudFest KubeCon en une semaine, L'arbre de c'était Noël. sportif, voilà. Et voilà, et quand on va au CloudFest, en fait, on s'aperçoit en fait de l'argent qui est généré par l'IA, c'est-à-dire que Nvidia rinçait absolument tout. Et donc il y a aussi cet effet-là en fait qui est que l'IA, on en parle, on a peut-être peur de mourir, mais aussi parce que ça rapporte énormément. Là, il y a encore eu les chiffres d'Azure, bah, aujourd'hui ou hier, qui disaient qu'ils avaient augmenté, enfin, ils avaient fait plus 23% juste de CPU et de GPU dans la dernière année de chiffre d'affaires juste avec ça. En 2024, c'est le roi du pétrole, hein. Voilà, c'est ça. C'est ceux qui vendent les pelles pour ceux qui cherchent l'or, quoi. Enfin, c'est vraiment, on est dans ce truc-là aujourd'hui. Donc, oui, c'est pour ça qu'il y a les keynotes qui sont très importantes. Moi, c'est vrai que je les ai pas toutes vues, alors que dans toutes les autres KubeCon, j'y étais allé. Ça a été ultra important d'aller à la keynote. Cette année, j'avoue que j'ai fait l'impasse à quelques-unes. Et on reviendra peut-être pourquoi après. J'ai fait l'impasse de temps en temps. Moi, je trouve que c'est une question très, très intéressante. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est un signe des temps. Mais c'est un signe des temps où aussi on est attiré vers ce qui est intéressant, vers ce qui, les nouveaux projets qui tirent des gens parce que c'est intéressant, mais qui tirent aussi énormément de financement. Je dis souvent, le gros truc de ChatGPT, c'est un énorme coup de com'. Tout à coup, ils se sont mis au milieu de la scène mondiale, ça a fait un tabac phénoménal, mais surtout, il y a une quantité dingue d'investisseurs qui sont débarqués avec des quantités dingues d'argent. Ensuite, on espère que ça va donner des trucs. Alors, bien pour l'humanité, ça, c'est une grande question. Bien pour l'intérêt général, ça, on ne sait pas encore. Bah, c'est vrai qu'il va y avoir une grosse partie des projets qui vont mourir, mais tous les investisseurs aujourd'hui, ils se disent, et pour être dans une boîte qui en fait partie avec un fonds d'investissement qui est dedans, leur but, c'est d'investir énormément et ils savent que s'ils ont 2% de leurs entreprises qui explosent avec l'IA, ces 2%-là arriveront à rembourser les 98% qui auront raté. Il faut voir qu'on est peut-être, en tout cas, c'est l'estimation, on est à un chemin de bascule qui peut arriver. La question étant, est-ce qu'on est à l'aube de ce qu'a été Internet dans les années 2000 ou de la blockchain ? Et en fait, les deux, les NFT, etc. La question étant, voilà, de quel côté de la barrière on est, et tout le monde a des visions un peu différentes par rapport à ça. L'avenir nous le dira. Est-ce qu'on arrive à avoir vraiment un potentiel qui est game changer là-dedans? Juste pour répéter moi ma réponse par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'IA dans les keynotes et très peu d'IA sur les stands, ou voire même dans les talks. Alors que pour comparer, conférence comme Google Cloud Next qui a eu lieu à Las Vegas il y a quelques semaines, là par contre il y avait et de l'IA à la keynote et il y avait de l'IA partout sur les stands. Mais je reste persuadé qu'il y aura de plus en plus d'IA, y compris dans Kubernetes. C'est juste que c'est encore le niveau hype pour le moment et ça va se démocratiser et évoluer après, dans les mois qui viennent. Peut-être aussi pour parler un peu des keynotes, c'est que là, dans les keynotes, il y a surtout eu l'application de Kubernetes. On a surtout vu, bah voilà, on met de l'IA dans le cube, etc. Mais on n'a pas parlé, en fait, vraiment de Kubernetes. On a parlé un peu vraiment de tout l'écosystème. Et c'est peut-être aussi un peu une critique que je vais avoir par rapport à KubeCon, c'est que, Kube a 10 ans. Et on est peut-être un peu arrivé à la maturité, quoi. Et je me souviens, avant, j'étais dans l'écosystème OpenStack et il y a eu une hype phénoménale d'OpenStack pendant un temps. Les OpenStack Summit, c'était, celui de Paris, je m'en souviens encore, c'était la même, un peu cet argent qui coule du plafond qu'on peut voir partout dans les soirées, etc. Il y avait cette même hype. Et puis d'un coup. On en parle encore dans les soirées KubeCon. Ouais, c'est ça, bien sûr, mais parce que ça en fait partie. Et c'est la même chose. Les soirées Miranti, ça a toujours été réputé pour ça. Donc il y avait ça. Et en fait, d'un seul coup, la hype a disparu. Mais c'est pas OpenStack qui a disparu. C'est juste cette hype autour de ça parce que c'est devenu standard. Et il y a peut-être ce truc-là où aujourd'hui, demain, on aura peut-être une IAcon ou un ChatGPTcon ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est ça qui deviendra hype. Mais Kubernetes, c'est en devenu quelque chose qu'on installe parce qu'on l'installe. Enfin, c'est devenu normal, en fait. C'est vraiment du community. Oui, boring. Ouais. Et alors, en fait, pour tout vous dire, je reviens du Cloud Foundry Day la semaine dernière à New York. Cloud Foundry, c'était une communauté aussi assez vibrante qui s'est réduite énormément. Mais, et là, aujourd'hui, les gens, ils disent, oui, notre boulot, ça tourne et c'est boring. Mais peut-être que Kubernetes, justement, cherche à ne pas devenir trop boring. Mais une fois que tout le monde, que c'est un standard de fait, et ça devient vraiment un standard de fait, parce qu'aujourd'hui, les gens qui font un truc par-dessus Kubernetes, ils disent « Ah, mais ce que j'ai fait, c'est standard parce que c'est sur Kubernetes. » Et ça, c'est très intéressant aussi. C'est vraiment une évolution. J'avais un talk en 2018 au GDG, quand il y avait encore des confs GDG, et c'était « Comment faire une application Kubernetes native ?» Et c'est en fait « Comment demain, on ne fera que des applications Kubernetes natives ?» Et donc, je pense que demain, en fait, c'est ça parce que C'est un moule et beaucoup de choses vont rentrer dans ce moule-là, en fait. Et on voit aujourd'hui, même dans le monde de l'IA, je me souviens plus du nom, mais même des orchestrateurs de modèles qui sont Kubernetes natives, on réfléchit pas. C'est pas une réflexion, en fait. C'est comme aujourd'hui, on fait du Git pour plein d'usages et qu'on réfléchirait pas à quel serait l'usage, demande du Kubernetes. Mais parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a au-dessus qui devient intéressant. C'est là où il y a de la valeur ajoutée. Et justement, je trouve que ce qui était bien en Kubernetes et ce que n'a pas fait OpenStack, c'est que Kubernetes n'a pas essayé de tout regrouper à lui. Il a juste mis des API et il a dit, maintenant, je les change plus, faites dessus. Et comme Linux, et c'était d'ailleurs le message à chaque fois que Linux dit, c'est, moi, je veux juste pas casser les applications qui sont dessus. Voilà. Notre seule API, c'est-à-dire, Linux, ça doit être un peu boring. Kubernetes, étant aussi dans la Linux Foundation via le CNCF, c'est un peu ça en fait. Et maintenant, c'est on a quelque chose, on a une brique, construisez avec. On a construit le béton, on a fait du béton, maintenant, utilisez-le pour faire des choses intéressantes avec. Okay. Et l'IA en fait partie en fait. Et c'est pour ça qu'en fait on a ça, mais le problème c'est qu'on parle pas au même public. C'est que là on avait un public d'IA, IA, IA, alors qu'en fait les gens qui venaient, c'était des gens qui opèrent du cube, c'est des gens qui font du cube, et en fait on leur parlait. Voilà, il y avait vraiment deux mondes, peut-être le monde de l'usage et le monde de Kubernetes. Et il y avait peut-être un peu ces deux conflits qui sont vus dans les keynotes. Et pour rebondir, c'est exactement pour cette raison que tout, en ce moment, on ne parle plus de Kubernetes comme technologie. Le sujet, c'est plus déployer Kubernetes. On commence à parler davantage d'écosystème Kubernetes. Parce que le sujet, ce n'est pas Kubernetes en lui-même. C'est ce qu'on en fait. On parle même de platform engineering. Et je trouve ça très drôle parce qu'en fait, le platform engineering n'existe que parce qu'il y a Kubernetes. Et Alors non, en Cloud Foundry, on faisait du platform engineering depuis longtemps. Mais oui, mais on a c'est un autre sujet. Alors, autre question, quel est le talk ou le sujet qui vous a le plus intéressé ou marqué positivement de ce que vous avez vu à la KubeCon ? Alors moi, c'est impersonnel. Alors, j'ai dit que j'allais dans peu de talks, j'en ai fait un quand même. Et alors, c'est un point de vue complètement personnel. C'est en fait un projet de Thales qui met du Kubernetes dans les avions pour faire les in-flight entertainment, donc tous les écrans de bord, et qui tournent en Kubernetes. Et je trouve ça trop bien parce que j'ai participé un tout petit peu il y a très longtemps, au tout début où j'avais vu. Et ça m'arrivait souvent de dire, mais vous avez peur de Kubernetes ? Non, il y a des Kubernetes dans les avions. Et ben voilà, et donc là il y avait un talk où ils présentaient comment ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait ensuite, et j'avais pas vu jusqu'où ils étaient allés. Et donc voilà, je trouvais ça super cool. Copieur. Parce que effectivement, c'est exactement le même qu'on a repéré chez Enix, qu'on a suivi avec attention. Ouais. Moi, j'en ai pas fait beaucoup. Je suis un peu comme toi. En fait, j'y suis allé pour les gens. Du coup, bon, j'ai beaucoup serré de pinces et discuté avec les gens parce que je les vois pas autrement. Enfin, voilà, c'est l'occasion. En se disant, on peut regarder les vidéos. Bon. Mais. On peut, mais est-ce qu'on le fait? Parce que la légende, c'est, je veux. Même à Devox, ouais, je veux pas voir le talk qui m'intéresse, mais je regarderai les vidéos. Mais en fait, est-ce qu'on regarde vraiment les vidéos après? Quelques-unes, en général, oui, mais pas toutes celles qu'on aurait voulu voir de toute façon. Un peu comme toutes les choses qu'on remet à plus tard. En fait, on les remet à jamais. Mais comme chez Enix, on est nombreux. Alors du coup, il y avait qui? Non, Nirmata. Le talk de Nirmata, Kubernetes Policy Time Machine, que tu as noté. Hein, là, tu en parlais dans tes slides juste avant, avec le Common Expression de Langage, ouais. Les Validating Admission Policies. Donc ça aussi intéressant. Et je suis allé voir l'ami Daniel Garnier-Moiroux parler de YTT et la suite Carvel. Et c'est intéressant parce que la communauté n'est pas forcément au courant que Helm, c'est pas la seule façon de déployer dans Kubernetes. C'est clairement le plus répandu. Cependant, je reproche tout de même à Helm d'utiliser cette espèce de langage à moustache qui est franchement totalement inadapté à YAML. On va pas se mentir. Et Carvel, c'est une espèce de réponse à ça, fait par les gens de la communauté Cloud Foundry. Et en disant, on va faire un processing de YAML qui comprend ce que c'est que du YAML et qui fait pas un templating de texte rentré au chausse-pied pour générer du YAML. Et l'idée, c'est de faire des outils à la Unix. Chacun fait son boulot, un boulot simple et clair, déterminé. Et il y en a 7 ou 8 des outils comme ça. Le plus connu, c'est YTT, c'est un processeur de YAML avec un template engine très avancé. Nous, c'est KApp, nous qu'on utilise tout le temps. Alors, KApp est un ordonnanceur de kubectl-apply. Ça, faut le savoir. Quand on fait un kubectl-apply et que ça se met pas dans le bon ordre ou que, en fait, on n'arrive pas à trouver le bon ordre, il y a des outils pour faire exactement la même chose, mais en trouvant par lui-même. Gérer le pruning. Le bon ordre. Comme ça. Et puis sans saturer, parce que ça est fait par batch de 5 par 5. Ça attend comme il faut que ça marche bien avant de rentrer la suite. Voilà. Bon. Donc, la suite, Carvel. Et donc, c'est dans le giron VMware, aujourd'hui Broadcom, Tanzu, voilà. Il faut quand même créditer un peu. J'avais peut-être un talk aussi, mais alors là, pour le coup, je vais comme ça rebondir sur la Regex où je suis allé. Où là, pour le coup, j'aime bien faire tous les talks. J'adore la Regex. Ça fait longtemps, en plus, je connais les gars qui le font. Et il y avait un talk sur IBPF, genre vraiment par le bas. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais IBPF est un énorme sujet. Il y aura un talk après dessus. Mais IBPF, The Hard Way, où on regarde exactement quelles sont les instructions, qu'est-ce qu'ils utilisent, etc. Et en fait, ça permet, je trouve vraiment d'être un talk très, très technique, en même temps assez abordable, mais qui permet vraiment d'appréhender ce que c'est réellement IBPF et pas juste la magie qu'on a autour et qui fait que des fois, quand on regarde la magie, on peut ne pas vraiment comprendre où est le lapin. Là, au moins, on voit vraiment quelles sont les instructions, donc quelles sont les sécurités qui sont dedans et ça permet d'avoir vraiment une bonne vision dessus. Et donc ça, c'était vraiment un talk sympa. Vraiment, on arrive dans le C, en quoi ça compile, quelles sont les instructions, en allant voir tout ça et ça dure 10 minutes et c'est vraiment super intéressant dessus. Okay. Alors moi, celui qui m'a le plus surpris, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est celui sur Pix. Le fait de se dire on va scheduler des pods en fonction de l'efficacité électrique au niveau des CPU, je trouvais le sujet bizarre en me disant c'est vraiment, c'est de la hype aussi, c'est de la bien-pensance, c'est du tout ce qu'on voudra. Et en fait, j'ai été voir un talk très technique où ils ont vraiment expliqué, justifié le pourquoi du comment. Donc, c'était particulièrement intéressant. Et alors, pour répondre, pour rebondir effectivement à la question suivante qui était, quel est le sujet qui t'a le moins plu ou déçu? Moi, je suis allé avec un contact qui m'a dit « Viens, viens, on va voir le board de la CNCF. » On va pas se mentir, c'était un petit peu boring, en l'occurrence. Voilà. Moi, j'ai pas de talk... Enfin, à part la keynote où vraiment, je crois que je suis sorti avant la fin, même la première, avec les IA. Parce que vraiment, j'en pouvais plus. Sinon, non, pas plus que ça, pas plus de talk. Mais après, voilà, j'y vais pas beaucoup, donc je suis pas meilleur exemple dedans. Moi, celui qui m'a le moins plu, c'est un talk qui avait un sujet qui me paraissait vachement intéressant. Et en gros, au bout de 5 minutes, le sujet, il était couvert. Et les 40 minutes qui restaient, c'était que du placement de produits. Il y en a, faut le savoir, à la KubeCon aussi. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais à la KubeCon, on peut se retrouver avec 15 talks en même temps sur le même slot ou 15 choses différentes à faire. Donc, on a toujours le choix. Là où ça devient un peu compliqué, c'est si on fait un choix parce que le sujet a l'air bien, qu'on y va, au bout de 5 minutes, on est très déçu. Bah, de toute façon, c'est mort, on ne pourra pas aller voir autre chose sur ce slot. Donc, je ne donnerai pas le nom de la boîte, mais voilà. C'est ce type de talk qui, moi, m'a bien déçu. Autre question, qu'est-ce que vous voyez comme trend qui ressort un petit peu pour Kubernetes dans les années qui viennent? Est-ce qu'il y a des choses peu plus spécifiques? Bah, je pense que tu en as déjà parlé, donc le WASM, le WebAssembly, donc, qui permettrait d'avoir une abstraction assez sympa. Après, à voir vraiment comment c'est utilisé. Je sais qu'à Valence, on en parlait déjà beaucoup, c'est vraiment un début là-dedans où il y avait des gens qui commençaient à vouloir même créer des orchestrateurs à part de Kubernetes là-dedans. Et on voit qu'aujourd'hui, voilà, le standard WASM peut commencer à devenir assez bon pour y mettre des conteneurs. On pourra peut-être même... Voilà, tu disais tout à l'heure que tu n'aimais pas le sel, par exemple, mais peut-être qu'on pourra demain, justement, plutôt uploader, avoir une notion même d'inclure du code WASM à l'intérieur de l'écosystème directement, plutôt que d'avoir toute cette notion de contrôleur, etc. Et après, moi, il y avait IBPF, mais après, c'est sans doute très, très biaisé. J'adore IBPF, et je le regarde depuis très longtemps, et c'est vrai qu'il y avait... Enfin voilà, il y avait beaucoup, beaucoup d'IBPF un peu partout. J'ai l'impression que maintenant, un outil de sécurité, un outil de réseau, un outil de quoi que ce soit, il repose sur IBPF. Après, ça pose la question, si on repose sur l'IBPF, sur la compatibilité avec le reste de l'écosystème. Donc là, on est Linux, quasiment pure Linux. Et en fait, voilà, est-ce qu'on n'a pas fait le choix maintenant en partant là-dessus que, bon, bah, même si on peut faire d'autres... J'en profite pour faire une petite parenthèse. IBPF, ça ne résout pas tous les problèmes. C'est assez centré sur les problématiques réseau. Réseau, sécurité, auditabilité, etc. Il y a aussi ça, en fait. En fait, c'est tout ce qui va être l'underlying. En fait, il faut voir ça vraiment comme juste catch des informations que tu ne pourrais pas avoir vraiment autrement en bypassant un peu plein de couches, quoi. Donc oui, tu peux faire du réseau avec. Et, historiquement, c'était pour faire du réseau, c'est un paquet de filters. Mais en fait, après, c'est devenu un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, on pourrait bien voir plein d'autres choses qui pourraient être inclus. Ça permet un peu, pour moi, de rajouter des fonctionnalités à justement ce Linux boring et en rajoutant un peu n'importe quoi, des fonctionnalités dedans qui vont te permettre de rajouter des choses, d'auditabilité, etc., etc., et plein de trucs peut-être un peu magiques dedans. Tu pourrais très bien demain, le jour où il y aura une faille, je sais pas, même sur PHP ou sur n'importe quoi, une faille de la libssl, se dire, bah, en fait, je passe directement via IBPF en dessous et je trappe un peu tous les problèmes. Donc, on aura même quelque chose, en fait, où on pourra avoir encore plus que ça. Donc, ça pourrait. Ok. Bon, et puis alors, nous, chez Enix, j'en profite pour prêcher pour notre chapelle, mais on a une bonne nouvelle. On apporte une bonne nouvelle. On peut faire tourner des databases dans Kubernetes. Et alors, c'était justement notre talk. Alors, on s'est habillé en pirate, on a fait les ozos, et puis après, on s'est fait dévaliser les t-shirts. Alors, celui-là même, d'ailleurs, que j'ai apporté en signe de souvenir de la KubeCon. Better be cloud native rather than cloud naive. Bref. Ne soyez pas naïfs sur toutes ces technos. Adressez-vous à des gens qui connaissent bien. Trends. Juste, ça vient de notre expérience, c'est-à-dire que nous, à gérer les bases de données dans Kubernetes pour les clients, on a vu là la cassure. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus de problèmes de gérer des bases de données Kubernetes dans Kubernetes que de bénéfices. Et là, on est au basculement. Tout à coup, c'est plus de bénéfices dans Kubernetes que de problèmes. Et nous, on le ressent dans l'expérience de production, au concret, avec ce qu'on a les grandes quantités qu'on a déployées avec les clients. Donc voilà, cette bascule qui est une trend. Voilà. Je pense qu'à l'avenir, voilà, on peut voir proliférer des bases de données dans Kubernetes, quel que soit le moteur. Alors non, pas quel que soit le moteur, parce qu'en réalité, ça repose sur une bonne implémentation d'un bon opérateur qui automatise le cycle de vie des nœuds, qui sont des pets, des animaux de compagnie qu'on veut bichonner aux petits oignons, là, et on veut faire très attention à ce que nos données ne s'évaporent pas. Et donc, sur un certain nombre de bases de données, on est au bon niveau de qualité, au seuil où le niveau de qualité de ces opérateurs permet de les utiliser avec plus de bénéfices que d'inconvénients. Ce n'est pas vrai pour toutes les technos de bases de données, non. Alors, tous les day-to operations, donc le scale-out, éventuellement le scale-in, parce qu'on peut aussi avoir prévu d'avoir plein de clients, puis en fait, non, ils n'y arrivent pas, et donc il faut réduire la voilure pour des questions de coûts. Le scale-up, c'est augmenter la taille des disques. Donc, les persistants de volume, c'est suffisamment bien géré. On les reprovisionne avec plus gros. Bon. Et puis, les rolling upgrades. Et donc, le placement sur les nodes, la séparation, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire essayer d'avoir un node de base de données sur des hyperviseurs différents, bon, pour qu'ils ne disparaissent pas, ou que les risques qu'ils disparaissent en même temps que les autres soient le minime. Donc le scheduling, le placement, voilà, tout en fait tout ce qu'on voit pas quand on fait le tuto getting started, voilà, qu'on fait ça, c'est le day zero, ça, pour nous. Et tout ce qui est casse-pied qu'on donne après à la prod, voilà, faut gérer. Ah oui, bon, en fait il y a une liste de courses colossale. Ok, alors pour terminer ce panel, on va prendre quelques questions s'il y en a. Il y en a une première, vas-y. Alors, du coup, j'avais une petite question. Moi, il y a un sujet qui m'est venu en tête. Peut-être, on n'a pas parlé. C'est le sujet du coût aussi, de l'investissement. Il y en a, ils parlent de FinOps. Après, moi, je suis un peu moins convaincu. Mais globalement, il y a eu beaucoup de talks autour de ça. Il y a eu des projets open source comme QCost, par exemple, qui ont été présentés dans plusieurs talks. Il y a eu des sujets sur les hosted control planes pour comment réduire ses coûts en adaptant un control plane à un endroit et en ayant plusieurs workloads sur plusieurs providers, par exemple. Il y a le sujet, tout ce qui est agnostique, enfin, de tout l'agnostique sur le cloud, calculer les coûts là où je peux placer mes workloads en fonction de là où il y aura le meilleur rendement. Est-ce que, du coup, vous avez ressenti cette trend-là sur un petit peu cette QCon ou pas? Alors, moi, je l'ai vécu sur cette histoire de, par exemple, de PIX, c'est-à-dire le fait de savoir sur quel pod, sur quel nœud je vais scheduler mon pod pour qu'il consomme le moins d'électricité, parce que il y a à la fois le côté vert, mais il y a aussi le côté économie. Donc quelque part, c'est du FinOps aussi, et ça rejoint un peu ça. Après, je sais pas si vous avez beaucoup vu cet aspect-là. Ouais, j'ai croisé une startup là du UK qui est spécialisée là-dedans. Ouais. Donc ça, oui, il y a un truc, ouais, je pense. Ouais. Il y a des choses qui arrivent. Après, je suis pas sûr aujourd'hui. Enfin, on est encore justement à ce moment où justement, en fait, je pense qu'il y a plein de moments où quand il y a des startups qui en font, quand il y a des gens qui ont des boosts, on est encore au début. C'est-à-dire là, il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses même à rajouter dans les API Kubernetes. On en parlait tout à l'heure des dynamic allocation, des choses comme ça. Il va y avoir encore une petite phase d'adaptation. On a encore plein de choses qui sont trop en bêta dans les API qui vont réussir à augmenter. Et un jour, ça deviendra vraiment genre natif et parce qu'aujourd'hui, encore des gens qui ont des contrôleurs et des scheduleurs custom, pas tant que ça, c'est génial, hein. Et en plus, ça existe depuis super longtemps dans le cube, mais c'est pas encore mainstream de tout. Mais je pense que ça va arriver. Et dès que surtout, on va parler vraiment plus de Kubernetes vraiment hybride avec à plein d'endroits, etc. Et de se dire, voilà, après, t'es très orienté sur les control planes et la manière de d'héberger des control planes, de par ce que tu fais forcément. Mais c'est pas quelque chose que beaucoup de gens voient. Et en fait, oui, on va avoir ces notions de nodes qui vont être de l'ARM, des nodes qui vont être de x86, qui vont être dans un cloud provider ou dans un autre, etc. Et cette notion des d'hybricité, elle nécessite très vite un très bon scheduler pour faire ça. Oui, voilà, donc Carpenter, voilà, c'est tout ce genre de projets-là qui arrivent, qui ont une trend de dessus, de meilleurs placements qui sont nécessaires, mais aussi de scale rapide des machines et des choses comme ça. Je ne t'ai pas mentionné, mais il y a aussi le sujet dont j'ai parlé tout à l'heure sur les GPU. Quand tu as des GPU qui coûtent 60 000 euros, tu as envie qu'ils soient au taquet tout le temps, qu'ils travaillent tout le temps. T'as pas envie qu'il y ait du temps pendant lequel il fasse rien. Donc ça rentre un peu là-dedans. Et puis ça vient avec la maturité. Kubernetes, ça a 10 ans. Au début, on est très enthousiaste. Alors on investit en entreprise. Puis à un moment, on voit la facture, on dit « Ah ouais, là, il faut faire quelque chose ». Et donc, on atteint aussi ce stade dans certaines entreprises. Voilà, c'est la maturité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.